La Seconde Guerre mondiale annonça une nouvelle ère pour le milieu médical. Aucune maladie ne semblait trop grave ou trop bénigne pour justifier des études ou des disputes dans la presse spécialisée. Et ce fut dans le domaine de la psychiatrie que l'on instaura le plus de nouvelles bases. On n'arrêtait pas de définir, spécifier et répertorier les maladies mentales. Le docteur Cameron, lui, ne s'intéressait pas beaucoup à ces débats. Au cours des premières années de guerre, la fabrication d'appareils à électrochocs, de camisoles de force, de drogues et de produits chimiques augmenta considérablement. La différence entre les traitements volontaires et forcés devint floue, souvent jusqu'à s'estomper. Presque chaque mois, de nouveaux syndromes, symptômes et maladies mentales entraient dans le dictionnaire médical. On n'avait pas vraiment le temps de contrôler les méthodes de traitement. Comme tout le reste, la psychiatrie n'échappait pas au cri généralisé « Nous avons une guerre à faire ». Lorsque c'était possible, les malades mentaux devaient retourner dans les magasins et les usines quand on ne les envoyait pas au front. Pour Ewan Cameron, le début des années 1940 ne fut pas uniquement une époque de décisions audacieuses par rapport à ses patients, mais également pour son propre avenir. Albany ne lui suffisait plus. En revanche, à Montréal, il sentait, à juste titre, qu'il existait une opportunité qui ne se représenterait probablement jamais. L'université McGill commençait déjà à jouir d'une certaine notoriété sous la houlette du célèbre neurologue Wilder Penfield. En 1943, sur les recommandations du professeur, on offrit le poste à Cameron, qui l'accepta immédiatement. Son protecteur lui donna une garantie et deux conseils. Il aurait carte blanche. En retour, il devrait essayer d'apprendre le français et devenir citoyen canadien. Si la promesse d'indépendance fut respectée, le docteur Cameron ignora joyeusement les recommandations. Son dossier à la CIA stipulait que beaucoup de ses collègues francophones le qualifiaient de « Rhodésien de Wellmount », une référence péjorative à la communauté anglophone qui vivait dans son enclave de Montréal, où l'on buvait jusqu'au petit matin et où l'on portait des cravates d'école anglaise en chantant « The Eton Boating Song ». Écossais de naissance, Cameron n'aimait pas cela non plus. Mais il avouait tout de même parfois à Dorothy Traynor, sa secrétaire, qu'il ne trouvait pas grand-chose d'intéressant, à l'exception de son travail, dans cette demeure bourgeoise de style renaissance italienne qui était devenue sa citadelle, l'Allan Memorial Institute, annexe de l'université McGill. À la page du 12 janvier 1955 du journal qu'il avait commencé à tenir, Buckley avait écrit « Rencontré ici, Cameron. A fait semblant d'avoir oublié m'avoir rencontré chez C.D. Clover Doulis. Froid. Le docteur G. Gottlieb m'a fait clairement comprendre que mon travail consistait à m'assurer qu'il soit toujours possible de nier les activités de Montréal. » Par un matin glacial de janvier 1955, le docteur Cameron, au volant de sa Cadillac noire, conduisait sur l'autoroute 87 en direction du nord, s'éloignant du lac Placide pour passer dans l'État de New York. Malgré les conditions de route peu sûres, il roulait vite, une main gantée sur le volant, l'autre tenant un micro. Ce dernier était branché sur un magnétophone portable posé sur le siège passager. Ses paroles seraient transcrites avant la tombée de la nuit par une de ses secrétaires. Elle taperait ses commentaires sur les notes détaillées qu'il avait revues pendant le week-end chez lui à Albany, tandis que sa femme, Jean, et leurs enfants, trois garçons et une fille, jouaient aux échecs. Une autre secrétaire s'occupait de l'administration et une troisième de ses publications, livres, articles pour la presse professionnelle, conférences et communiqués de presse. Il était conscient de l'importance de la publicité, mais savait également quand il fallait l'éviter. Il n'y en aurait pas sur ce qu'il était en train de dicter en conduisant. Ses paroles seraient transcrites par la secrétaire chargée de ses travaux les plus confidentiels, l'inépuisable Dorothy Trenor. Nous demandons des subventions pour financer des études sur les effets de la répétition des signaux verbaux sur le comportement humain. Notre intérêt actuel est orienté vers la production de changements du comportement et de modifications du fonctionnement physiologique. Nous insistons principalement sur le second point, parce qu'il est plus facile à mesurer. Ainsi formula-t-il sa requête de financement à la Société de recherche en écologie humaine. De sa longue expérience des demandes de subventions, il avait appris comment attirer immédiatement l'attention. Au cours des 13 années précédentes, il avait réuni plus de fonds que n'importe quel autre médecin canadien, à commencer par les 40 000 dollars en 1943 de la Fondation Rockefeller pour créer l'Allan Memorial Institute. Il avait ensuite trouvé de nouvelles sommes substantielles pour l'agrandir. Aucun donateur n'était trop petit ou trop grand pour lui. Les agences gouvernementales, les fondations philanthropiques, les hommes d'affaires fortunés, jusqu'au bénéfice des vides-greniers, tombolas et collectes scolaires. Mais la Société d'écologie humaine avait les moyens de financer ses rêves secrets et de le payer pour trouver les réponses aux questions que se posait la psychiatrie depuis le jour où elle était devenue une discipline à part entière. Ce défi était la stimulation de toute sa carrière. Cependant, la célébrité dont il rêvait tant, une notoriété telle que celle de Freud, Jung et les autres pionniers de l'analyse, n'arrivait toujours pas. William Sargent était beaucoup plus connu que lui. Et si Cameron en souffrait, cela lui donnait également une motivation supplémentaire. Le docteur Cameron enregistra une séance de thérapie avec une femme maniaco-dépressive âgée de 40 ans. Il monta ensuite la bande de manière à ne conserver que les passages clés. Il les assembla en boucles répétitives. Il s'assit face à cette femme et fit passer l'enregistrement qui ressassait inlassablement ses souvenirs d'enfance, à l'époque où sa mère la menaçait de l'abandonner. Le psychiatre était convaincu que cette menace était à l'origine de la dépression de sa patiente. Cette femme n'avait jamais réussi à accepter ce rejet maternel. Après avoir fait passer la bande 7 fois, la femme lui demanda « Il faut vraiment que j'écoute ça ?» Il continua à faire tourner l'enregistrement. Au bout de la 11e fois, la femme hurla « Je déteste écouter ça !» Il persista. Après 4 répétitions supplémentaires, la femme éclata en sanglots et dit « C'est la vérité !» À la 19e fois, elle commença à trembler et cria qu'elle haïssait le son de sa propre voix. À la 30e fois, elle se mit à respirer rapidement et à trembler de manière incontrôlable en gémissant qu'elle haïssait sa mère. À la 35e répétition, elle psalmodiait « Je hais, je hais ». 3 répétitions plus tard, elle supplia qu'on arrête la bande. Inexorablement, le son de sa voix continuait de résonner dans la pièce. Elle commença à geindre et implorer. À la 45e répétition, il arrêta la bande. Le docteur Cameron remarqua à quel point cette méthode avait pénétré le système de défense de sa patiente. Était-ce là ce que les communistes avaient fait? Était-ce ainsi qu'ils détruisaient des convictions déjà établies pour les remplacer par d'autres? Il appela sa découverte la conduite psychique. Elle allait devenir le point central de ses travaux pour le docteur Gottlieb. À Washington, le docteur Gottlieb rencontra des problèmes inattendus, résumés dans une note de service qu'il fit circuler parmi son personnel le 4 mars 1955. Comme vous le savez, avec les appareils d'écoute que l'on cache dans un mur ou sous un tapis, le problème c'est qu'ils sont comme des appareils photo qui ne prennent que des clichés de ce qu'ils voient et non ce que votre propre vue aurait su interpréter grâce au cerveau. Les êtres humains ont dans chaque oreille une cochlée qui filtre les bruits. C'est elle qui nous permet, par exemple, d'avoir une conversation dans un cocktail. Mais si vous enregistrez un cocktail, vous entendez tous les bruits de fond et vous ne pouvez pas distinguer les conversations. Nous travaillons sur un appareil qui élimine ces parasites. Nous avons utilisé une véritable cochlée, une cochlée de chat. Nous avons fait divers branchements sur un chat pour qu'il filtre tous les sons indésirables, et nous avons ensuite entraîné l'animal à n'écouter que les conversations et non le bruit d'ambiance. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Nous avons ouvert le chat, placé des batteries à l'intérieur, et nous l'avons rebranché. Sa queue faisait antenne. Puis nous l'avons testé de nombreuses fois. Nous nous sommes alors aperçus qu'il cessait de travailler dès qu'il avait faim, et nous avons résolu cela en ajoutant un autre branchement qui l'empêchait de ressentir la faim. Ensuite, nous l'avons emmené au parc et nous lui avons dit « Va écouter ces deux types. N'écoute rien d'autre, ni oiseau, ni chat, ni chien, juste ces deux types. » Le chat a traversé la rue, un taxi est arrivé et il l'a écrasé. Nous étions là, assis dans notre camionnette, prêts à enregistrer le chat qui relayerait la conversation des deux types, et le chat, il était mort.